Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le cauchemar de Paul Voise, du fait divers à l'incendie médiatique. Le 19 avril 2002, à deux jours du premier tour d'une élection présidentielle, où tout s'est joué au premier tour, précisément, les Français découvrent le visage tuméfié d'un vieil homme de 72 ans. Sur le lit de sa chambre d'hôpital, il témoigne, la voix frêle et les yeux larmoyants, de l'agression dont il a été victime. La veille, dans un quartier sensible d'Orléans, ce monsieur, Paul Voise, raconte que deux individus sont entrés chez lui, ont tenté de le racketter, l'ont tabassé avant de mettre le feu à sa maison. L'histoire émeut toute la France. Or, ce fait divers dramatique intervient au moment crucial d'une campagne présidentielle arc-boutée sur le thème de la sécurité. D'où cette question, qui sera la grille de lecture de notre récit, en plaçant cette information à la une et parfois en la matraquant pendant deux jours, les médias, et certains médias, ont-ils contribué au premier vrai succès électoral du candidat Jean-Marie Le Pen dans ce fameux 21 avril 2002. Notre invité aujourd'hui, Daniel Schneiderman, rédacteur en chef du site d'information Arrêt sur Image. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur les médias et les coulisses de l'information. Son dernier livre, Berlin 1933, La presse internationale face à Hitler, est paru en octobre dernier aux éditions du Seuil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INLA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La violence est en train de changer le visage de notre République. Elle crée la peur, elle met en cause les fondements mêmes de la vie en société. Et, c'est un fait, la situation continue de s'aggraver. Le rétablissement de la sécurité pour tous et partout sur le territoire national est aujourd'hui le préalable indispensable pour que les Français puissent vivre dans une France ouverte et généreuse, une France qui veut et qui peut aller de l'avant. Le 27 février 2002, banlieue parisienne, meeting électoral. À la tribune, le président candidat, Jacques Chirac, tire à boulets rouges et entre les lignes sur la politique du gouvernement socialiste en matière de sécurité. Laxisme, péché originel de la gauche, selon la liturgie de la droite, Jacques Chirac connaît ses classiques. En ligne de mire, son premier ministre, bien sûr, avec lequel il est contraint de cohabiter depuis 5 ans, depuis son idée pittoresque de décréter des législatives anticipées alors qu'il disposait d'une majorité à l'Assemblée. Lionel Jospin, donc, lui aussi candidat à la présidence. Les sondages l'affirment, il sera l'adversaire de Jacques Chirac au second tour. Bien, on fait comme ça. Côté campagne, voilà plusieurs mois que le chef de l'État use et abuse de la carte sécuritaire au point d'en faire l'un de ses principaux thèmes, sinon principal. De la fracture sociale qui avait si bien fonctionné 7 ans plus tôt, Jacques Chirac semble se diriger vers la fracture sécuritaire avec l'argument massu selon lequel ce sont les plus faibles qui en souffrent le plus. Alors, les Français sont-ils inquiets du climat de violence qui règne dans notre société, comme le disent à droite et l'extrême droite? Selon l'Institut CSA, la réponse est oui. Oui, le dernier chiffre de ce sondage est particulièrement intéressant, Fabrice. 71% des personnes interrogées estiment que l'insécurité a beaucoup augmenté depuis 1995. Et si on regarde de plus près, dans la catégorie des 18 à 24 ans, ce sentiment est partagé par 70% des sondés. À ce pourcentage répond inévitablement le désir de sanctions immédiates. 65% des personnes interrogées l'approuvent. Et là encore, dans la tranche d'âge des jeunes de 25 à 34 ans, il y a 70% d'opinions favorables. Et c'est certainement ça, le phénomène totalement nouveau, le besoin très important de sécurité dans la jeunesse. À la fin du mois de février 2002, la campagne électorale bat son plein. Le nombre de candidats n'a jamais été aussi élevé. Mais les débats restent cantonnés autour d'une seule et même question. Comment endiguer les actes de violence et assurer la sécurité des Français? À ce petit jeu, c'est Jacques Chirac qui tire le mieux son épingle du jeu, d'après les analyses d'opinion. Son rival, Lionel Jospin, lui, arrive en troisième position, dépassé par un autre candidat, qui fut un temps son ministre d'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Intérieur publie ses statistiques pour l'ensemble de l'année 2001. La délinquance a bel et bien augmenté en France, de 7,7% pour être précis. Quant aux vols de téléphones portables, ils ont explosé, eux, de plus de 40% à Paris. Si la télévision, les chiffres sont souvent repris in extenso, dans la presse écrite et à la radio en revanche, éditorialistes et invités proposent chacun leur décryptage. C'est le cas, par exemple, du démographe Emmanuel Todd dans les colonnes du journal Le Monde. J'ai des doutes sur l'insécurité qu'on dit partout grandissante. Le taux d'homicide en France est plus bas qu'il y a 10 ans et reste un des plus faibles au monde. La délinquance a certes augmenté, comme il est normal dans une période d'expansion économique. Mais on constate par exemple que la violence contre les personnes se développe surtout autour d'un axe, celui des vols de téléphones portables. Objet symbole de la reprise économique et qui n'existait pas il y a 10 ans. Si je devais donner une explication à ce sentiment d'insécurité, je dirais que c'est un symptôme du vieillissement de la population. Cette société plus âgée et plus paisible supporte beaucoup moins qu'il y a 10 ans des niveaux de délinquance qui ne sont pas vraiment différents. Mais à la télé, que ce soit sur TF1 ou même France Télévisions, les reportages angoissants pour illustrer les statistiques de la délinquance s'enchaînent. Ici, les questions de la situation tendue dans les commissariats, en banlieue. Là, les journalistes participent à une ronde nocturne avec la police dans les quartiers difficiles. Et à chaque fois, à l'écran, on voit des victimes choquées, des interpellations musclées, des voitures brûlées. Et pour que l'effet de loupe soit complet, on diffuse l'incontournable séquence de témoignages de voisins anonymes qui affirment avoir peur. Une fois, on a ramassé avec une dame, une trentaine de canettes là devant l'entrée. Parce que vous savez, quand ils ont bu ou qu'ils sont drogués, ils peuvent faire n'importe quoi. Hein. Bon, des fois, ils saccageaient certaines voitures, mais c'était entre eux, quoi. C'est les gangs d'autres quartiers qui venaient ici. Si on les laisse tranquilles, ils nous laissent tranquilles. On a peur, on dit rien parce qu'on a peur. Hein. Je vous dis franchement, on a peur dans le quartier, on a peur. Des images et des témoignages chocs auxquels s'ajoutent sur les plateaux les propos tout aussi alarmants et alarmistes d'invités experts ou spécialistes de la criminalité. Parmi eux, Alain Boer, pour qui, et je le cite, il faut cesser de nier le réel. 1000 voix, 1000 images qui répètent toute la même chose, l'insécurité en France est galopante. Et, si Boer le dit... Et sur France Inter, Manuel Valls, le porte-parole de Lionel Jospin, accuse lui-même certains médias de privilégier le thème de l'insécurité et de faire le jeu de la droite. Je pense qu'il y a une course à l'audience et que sur un certain nombre de thèmes, les questions d'insécurité par exemple, toutes les chaînes de télévision sont un peu à la recherche de cette thématique qui préoccupe, et à juste titre, les Français. J'ai le sentiment parfois qu'en dehors de la rédaction, ou des rédactions qui à mon avis ont gagné toute indépendance, un certain nombre de directions d'une chaîne, je pense à TF1, ça peut être vrai également pour une autre radio, je pense à celle d'Europe 1, pour dire les choses très franchement, j'ai parfois le sentiment, oui, que on veut faire passer un certain nombre de messages qui n'ont pas pour but de privilégier la gauche. Au total, pour la période de juillet 2001 jusqu'au 21 avril 2002, le site Arrêt sur Image a comptabilisé, concernant la télé, 643 sujets consacrés à la délinquance ou aux violences, 5 fois plus que les sujets consacrés au chômage et à l'éducation. Mais à l'époque, l'emballement autour de la question de l'insécurité et du duel entre Chirac et Jospin est tel qu'il franchit jour après jour des niveaux sidérants. Exemple. Invité le 3 mars sur le plateau de TF1, le candidat Lionel Jospin a à peine le temps de parler de son programme social ou économique qu'il est très vite interpellé sur l'augmentation de la délinquance. Pris de court, il répond de manière maladroite à une question de Claire Chazal. « Oui, je reconnais que j'ai péché un peu par naïveté. Je m'étais dit, si on fait reculer le chômage, on fera reculer l'insécurité. » Et une couche de plus sur l'indigence réelle ou supposée de la gauche face à la question sécuritaire. aussitôt dit, aussitôt fait, Jacques Chirac annonce qu'il veut mettre fin à l'angélisme de la gauche. Résultat, à 7 semaines du premier tour, Jacques Chirac gagne un point dans les sondages et vire en tête des intentions de vote. Lionel Jospin en baisse de 2 points, et donc deuxième, logique. Mais pas que, infernale logique pour le candidat socialiste. Car en embuscade, il y a le candidat du Front National. Et voilà que survient en France un événement dramatique. France Inter. Le fait divers qui s'est produit à la fin de la semaine dernière à Évreux frappe les esprits parce que c'est l'histoire toute simple d'un père de famille mort pour avoir voulu protéger son fils de tentatives de racket, parce qu'aussi ce drame se produit au milieu d'une campagne électorale où les Français, on y reviendra, placent la lutte contre la délinquance au cœur de leurs préoccupations. Revenons d'abord sur les faits et sur la personnalité aussi de la victime. Patrice Beck, c'est son nom, est donc mort après avoir été tabassé vendredi soir par 2 hommes de 17 et 19 ans qui ont été arrêtés dimanche soir. Stéphane Faure s'est rendu ce matin à Beaumont-le-Roger. C'est de ce petit village situé à 30 km d'Évreux qu'était originaire Patrice Beg. Il était âgé de 38 ans. Ses voisins le décrivent comme un homme plutôt aimable et souriant. Et c'est ainsi que s'affiche à la une pendant 3 jours. Et pour reprendre les mots des journalistes, le lynchage collectif, la tragédie mortelle, l'assassinat odieux d'un père de famille d'Évreux, Patrice Beg. À la télé, la surenchère est immédiate. On envoie caméras et reporters pour interviewer famille, voisins, amis et parfois n'importe qui, pourvu qu'il fasse part de son indignation et de ses angoisses. Rares en effet sont les passants interviewés qui disent « même pas peur ». Du meurtre de Patrice Beg, les médias enchaînent sur la guerre des gangs à Corbeil-Essonne où un jeune homme est tué d'un coup de couteau lors d'une rixe entre groupes de quartiers rivaux. Fait divers, terrible, mais presque banal dans certaines banlieues. Pourtant, le présentateur du JT de France 2, Daniel Bilali, en déclare « Comme si rien ne pouvait endiguer ce phénomène de violence devenu le quotidien de ces jeunes. » Le 27 mars à Nanterre, nouveau drame. À l'issue d'un conseil municipal, un homme tire une 40aine de balles sur les élus. 8 morts, 19 blessés. L'auteur de cette série de crimes, Richard Durne, est interpellé et se suicide le lendemain en se défenestrant des locaux de la brigade criminelle à Paris. La campagne présidentielle est perturbée. Pendant ce temps, les caméras de télé s'immiscent dans l'intimité des victimes, qu'elles soient à l'hôpital ou durant leur convalescence. Jacques Chirac prend la balle au bon et dénonce l'insécurité ordinaire qui règne en France. Dans les rangs de la majorité socialiste, on accuse le chef de l'État d'instrumentaliser le drame du conseil municipal de Nanterre. Sur France 3, Noël Mamère, candidat des Verts, n'est pas loin de la nausée. Entretenir ce sentiment de peur, de fragilité et d'insécurité, c'est à la fois irresponsable et obscène. Et franchement, je vous le dis, quand un président de la République est capable de faire ça, vraiment, je suis écœuré. C'est vrai, cette campagne électorale n'a pas les senteurs du printemps. Climat d'affaires pour la droite chiracienne à coups de soupçons de fausses factures ou d'emplois fictifs. Campagne électorale terne et morose, sans débat d'idées autres que celles qui touchent aux questions de sécurité. Oui, on a connu épisode électoral plus enthousiasmant. Côté PS, ce n'est guère mieux, car le concept de gauche plurielle qui avait fait son succès en 97 risque de se retourner contre elle et contre le candidat Jospin. 9 candidats, d'où un risque majeur de dispersion des voix. Une problématique qui pourtant ne semble pas inquiéter le candidat. D'ailleurs, il ne lance aucun appel au rassemblement et ne fustige pas non plus la montée inquiétante du Front National dans les sondages. Cécité. Le 17 avril, en effet, à moins d'une semaine du premier tour, le journal Le Monde titre « L'extrême droite au second tour ?» Point d'interrogation. Quelle idée, aurait-on dit une semaine avant. Mais ce jour-là, on prend conscience que quelque chose de très spécial pourrait intervenir. Jusque-là, on avait balayé l'hypothèse d'une phrase, d'une formule, le plafond de verre. Mais non, les Français n'iraient pas jusqu'à qualifier Jean-Marie Le Pen pour le second tour. Eh bien, c'est à ce moment précis de la campagne, comme un point de bascule de l'opinion, qu'éclate l'affaire Paulvoise. Jeudi 18 avril 2002, centre-ville d'Orléans, siège du journal La République du Centre. Il est un peu plus de 22h30. Assis à son bureau, le journaliste de permanence, Patrice Désallé, répond à coup de téléphone. À l'autre bout, un officier secouriste l'informe d'un départ de feu dans le quartier sensible de l'Argonne. Patrice Désallé et son photographe se rendent sur place immédiatement. Dans les rues de la cité, bordées de petits immeubles HLM et de pavillons, les deux hommes découvrent des habitants émus. Les pompiers ont déjà presque fini de maîtriser les flammes. La victime, elle, a été emmenée à l'hôpital. D'après les premiers témoignages, le feu serait d'origine criminelle, allumé juste après l'agression du propriétaire des lieux. Patrice Désallé rentre à sa rédaction et rédige un premier article. Le lendemain midi, vendredi 19 avril, l'agence France Presse de Tours relaie l'affaire. Le rédacteur en chef du bureau décide de la classer non prioritaire et non urgente. Celle-ci est ensuite envoyée par fax à toutes les rédactions des chaînes de télé, de radio et de presse écrite en France. Paul Voise, 72 ans, un habitant au faible revenu du quartier défavorisé de l'Argonne, à Orléans, a reçu hier soir la visite de deux jeunes qui venaient le racketter. Ne pouvant leur donner d'argent, il a été roué de coups, notamment à la tête, et a dû se réfugier chez une amie. Pendant ce temps, ces deux agresseurs ont mis le feu à sa maison et ont pris la fuite. L'adjoint au maire d'Orléans, chargé de la sécurité, Florent Montillo, a indiqué à l'AFP que c'est un acte lâche et minable de la part de voyous connus des services de police. Un vieil homme roué de coups et sa modeste maison incendiée, voilà le point de départ de l'affaire Paul Voise. Un fait divers local, certes dramatique, mais qui n'est en aucun cas le reflet d'une situation générale. Sauf qu'à moins de deux jours du premier tour d'une élection présidentielle placée sous le signe de l'insécurité, les médias vont s'emparer de l'affaire. Et en particulier les chaînes de télé, médias de l'image, donc de l'émotion. Avec le visage blessé de M. Voise et les ruines calcinées de sa maison, elles vont être servies, les télés, ou plutôt, elles vont se servir, et copieusement même. TF1 est la première sur le coup. Une équipe arrive à Orléans moins de deux heures après l'alerte de l'AFP. Premier arrêt, l'hôpital de la ville où Paul Voise est toujours soigné. La journaliste de l'équipe, Lilian Purdom, obtient l'autorisation de rencontrer le vieil homme et de l'interviewer à l'intérieur même de l'établissement hospitalier. Des années plus tard, au micro d'Alexandre Hérault de France Culture, elle raconte. Cet homme m'a ému la première fois que je l'ai vu. Je suis arrivée à l'hôpital. Il est sorti en pyjama, comme un fou, le visage complètement tuméfié, plein de bleu. J'étais vraiment émue, oui, c'est idiot à dire, mais... Donc ce reportage a été fait d'une façon assez émouvante, en fait. Si ça avait été un reportage un peu plus factuel, peut-être ça n'aurait pas eu l'impact que ça a eu. Première diffusion des images, 19h sur LCI. Le reportage d'une minute et 28 secondes démarre avec un gros plan de Paul Voise. En larmes, le vieil homme témoigne, la voix hésitante, il dit... Cette maison, je l'ai construite de mes propres mains. Ça m'a pris 40 ans. Je voulais l'offrir à ma mère. Ils l'ont fait brûler. Et aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Sur certaines séquences, on aperçoit la journaliste Lilian Purdom assise en face de Paul Voise. Elle lui tient les mains pendant qu'il raconte son histoire. Le reportage se poursuit par des images des restes de la maison et se termine par le témoignage d'une voisine qui affirme que ce n'est pas la première fois que Paul Voise était menacé. Ou non. La dernière fois d'ailleurs, ils étaient venus avec un marteau. Une heure plus tard, dans le journal de 20h sur TF1, maison mère de LCI, la journaliste Claire Chazal reprend à son tour les images et l'information de l'agression. Et là encore, même larmes, même incompréhension et même souffrance, avec en gros plan encore et toujours le visage de M. Voise. Au même moment, sur France 2, dans le 20h de David Pujadas, les minutes passent et rien, non, rien du tout sur l'affaire d'Orléans. En fait, rien du tout sur le groupe France Télévisions, à l'exception d'un court reportage de France 3 diffusé dans le journal d'information régionale. Ironie de l'histoire, comme l'expliqueront les journalistes Anthony Gauthier et Pierre-Alexandre Couff dans leur livre consacré à l'affaire, la chaîne publique a découvert le fait divers orléanais en regardant le journal de TF1. Le lendemain matin, samedi 20 avril, à moins de 24 heures du premier tour de la présidentielle, une équipe de France 3 nationale débarque à Orléans. Les journalistes se rendent à l'hôpital et demandent à interviewer Paul Voise. On les y autorise. toujours sous le coup du traumatisme. Paul Voise éclate en sanglots et raconte une nouvelle fois, par le menu, l'agression dont il a été victime. Le sujet est diffusé dans le journal de 13h de France 2, mais aussi sur France 3, puis légèrement modifié le soir même sur chacune des deux chaînes publiques. Comme ici, dans le journal de 20h de France 2, où la présentatrice Béatrice Schoenberg l'introduit avec gravité. La bêtise et la barbarie à l'origine de cette histoire qui s'est déroulée à Orléans jeudi dernier. Un homme de 72 ans a été roué de coups par deux jeunes qui en voulaient son argent. Ils n'avaient pas le sou, ils ont brûlé son pavillon. Deux suspects sont en garde à vue. Patrice Vanini. Traumatisme crânien, multiples points de suture, voici l'état dans lequel ces agresseurs ont laissé Papivois, ce retraité de 72 ans. Les deux jeunes voulaient racketter le vieil homme, ils ont ensuite brûlé sa maison. Je suis un choix de voir ma maison. On l'a brûlé. On a brûlé votre maison, c'est ça? J'ai mes deux petits chats. J'espère que les voisins s'en occupent. Échappant miraculeusement à ses agresseurs, le vieil homme a réussi à se réfugier chez une voisine, d'où il assistera à l'incendie de sa maison. Dès hier soir, deux suspects de l'incendie criminel ont été interpellés. Ils sont toujours entendus à l'heure qu'il est dans les locaux de la police d'Orléans. Quant à Papivois, ses voisins lui ont déjà proposé de l'aider à reconstruire sa maison détruite. Par bien des aspects, ce nouveau reportage donne l'impression d'une surenchère sur une histoire déjà connue de tous. Au même moment, TF1 continue sur sa lancée et propose aux téléspectateurs une immersion inédite aux côtés de Paul Voise, découvrant les ruines de sa maison et cherchant ses chats. Sur LCI, l'affaire de l'agression est matraquée à 19 reprises en une des flashs d'actualité pour la seule journée du samedi 20 avril. Sur les ondes, en revanche, l'affaire est à peine évoquée. Sur France Info, il n'est même fait aucune référence à l'agression. Sur France Inter, un seul reportage dans le journal de 8h avec le témoignage d'une des voisines. La presse écrite, elle, relaie l'affaire sous forme de brèves ou d'articles suivant les publications. Alors, peut-on vraiment parler d'emballement médiatique autour de ce fait divers? Apparemment non, sauf pour ce qui concerne la télé. Or, c'est le média le plus puissant. Ces reporters envoyés à Orléans ne prennent pas de recul et leur direction ordonne qu'on entende Paul Voise, qu'on le voie et tant pis si ses propos face à la caméra contredisent certaines des déclarations qu'il fera ensuite aux enquêteurs. En cette soirée du samedi 20 avril, veille du premier tour, la France s'endort avec en mémoire le visage et le témoignage d'un vieil homme agressé. La France a peur. Tous les soir 20h, la police vous parle. Bonsoir, alors là c'est le PPDS, je vais vous raconter des petites histoires drôles. Alors vous voyez au Soudan, il y a eu 2660 murs de mort. Non, non, rien à prendre du Soudan, parce que tu vois, il y a Sherman, il s'est coupé le doigt, et ça fait vachement mal de se couper le doigt. Et Marseille, il fait des chaussures en bois, il va se manchonner les chaussures en bois. Alors tu vois, les mecs, ils sont super loin, non, rien à prendre. Mais alors rien du tout, parce que c'est super bon les chaussures en bois. Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6,6%. Énorme surprise, donc Jean-Marie Le Pen serait au second tour. Nous sommes tout de suite en liaison avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, vous m'entendez ? Je vous entends. Quel est votre premier commentaire, Jean-Marie Le Pen, tout simplement après l'énoncé de ces chiffres ? Eh bien, je crois que c'est une grande défaite des deux leaders de l'établissement, le président sortant et le premier ministre candidat. Je pense même que la décence voudrait qu'ils disparaissent de cette compétition, compte tenu du fait qu'ils sont évidemment ultra minoritaires dans le pays. Dimanche 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour de l'élection présidentielle. Une première dans l'histoire de la Ve République. Le fameux plafond de verre est perforé aux dépens de Lionel Jospin. Rue de l'Atelier à Paris, au siège de campagne du candidat socialiste, et c'est par des cris d'horreur et de dégoût que les militants accueillent la nouvelle. Du côté des ténors, le désespoir va jusqu'à déformer les traits. Oui, ils sont tous là. Rue de Solferino, devenu tombeau, généraux de campagne défait, Waterloo politique, la pire défaite de la gauche. Beaucoup estiment que l'accession du Front National est aussi la conséquence d'une campagne électorale gâchée, bâclée, qui n'a pas su intéresser les Français. Un chiffre l'atteste d'ailleurs, celui de l'abstention. Plus de 27% des électeurs ne se sont pas déplacés. Triste record. Dans les jours qui suivent, à Paris et dans toutes les grandes villes de France, plusieurs centaines de milliers de personnes défilent dans la rue pour dire non à l'extrême droite et appeler à une mobilisation citoyenne pour la démocratie, autrement dit pour le second tour. À Toulouse, ils sont entre 3000 et 7000 à manifester. Parmi eux, un grand nombre de jeunes, dont cette lycéenne. On disait qu'il est raciste. Voilà, c'est ça ce qu'on reproche le plus, en fait, qu'il soit raciste. Qu'il veuille faire sortir tous les immigrés de France. Et il a des idées assez fascistes, et je pense que c'est pour ça que les jeunes, aujourd'hui, sont dans la rue. Parce qu'il ne faut pas qu'un homme politique de l'extrême droite soit au pouvoir, parce que c'est fini, quoi. Aujourd'hui, il y a une grande population d'émigrés en France et je vois pas ce qu'ils leur reprochent, quoi. C'est pas à cause d'eux qu'il y a la sécurité, donc voilà quoi. Dès le lendemain du scrutin, le lundi 22 avril, plusieurs responsables politiques de gauche montent au créneau et accusent nommément les médias d'avoir fait le jeu de l'extrême droite durant toute la campagne. En cause, l'écho et le traitement donné par les chaînes de télé à toute une série de faits divers, dont l'affaire Paul Voise a été le point d'orgue. Dans une interview donnée à Radio Shalom, l'un des porte-parole du camp socialiste, Julien Drey, estime même que par son traitement éditorial, TF1 pourrait aussi s'appeler TFN. Julien Drey persiste et signe quelques jours plus tard, face au journaliste Daniel Schneiderman. Je le cite, « Les chaînes de télé ont décidé qu'à 20h30, il fallait du spectacle et que le débat politique n'intéressait pas les téléspectateurs. » Au micro de France Inter, l'ancien présentateur du JT de France 2, Bruno Mazur, porte lui aussi un regard très critique sur le travail des chaînes de télé qu'il accuse d'avoir fait le jeu de l'extrême droite. Il y avait des journaux télévisés sur les deux chaînes d'ailleurs, où pratiquement on avait un quart d'heure de feuilleton sur l'insécurité et on éteignait son poste en se disant qu'on avait bien eu la chance de pas avoir encore été égorgé, ni racketté, ni violé. Donc je suis pas bien sûr que c'était la peine d'en rajouter des kilos et je pense que même certains médias croyant gentiment aller dans le sens du camarade Chirac, ont un peu joué les apprentis sorciers et en fait travaillé tout à fait inconsciemment et involontairement pour Le Pen. Et vous parlez de qui en particulier ? Oh ben la une et la deux, surtout la une. Et c'était pas que dans les journaux, notamment j'ai souvenir, je crois, d'un magazine, ça s'appelait Tout peut arriver, où pendant une heure et demie, on nous servait la sauce insécurité jusqu'à la nausée. Ça avait été purement et simplement une bande-annonce pour Le Pen, quoi, clairement. Lorsqu'on regarde en détail les statistiques du mois de mars 2002, le journal de la mi-journée de la chaîne privée TF1 donc évoque à 41 reprises des sujets sur la violence ou l'insécurité. France 2, la chaîne du service public, en diffuse, elle, 63. Interrogé par téléphone sur France Inter, le directeur de l'information de TF1, Robert Lamias, défend la ligne éditoriale de la chaîne. Tous les médias, sans exception, ont pu vérifier que les questions d'insécurité, d'incivilité, étaient au cœur des préoccupations des Français. Donc, à travers tout ce qui a pu se passer, ça n'est quand même pas ni TF1 ni les médias, qui récemment ont initié la tragédie de Nanterre, sont à l'origine des attaques de commissariats. Simplement, TF1 est leader, parce que quand vous avez 10 millions de téléspectateurs, évidemment, ce que vous dites a une autre ampleur que lorsque vous avez 100 000 ou 200 000 lecteurs. Avoir le sens des responsabilités n'est pas s'imposer une censure que j'aborde par-dessus tout dans ce métier. Nous ne faisons pas de la politique, nous faisons notre métier. Et notre métier, c'est d'essayer de dire ce qui est. Plus tard, en 2011, et très honnêtement, le même Robert Lamias dira que le traitement de l'affaire Voise par TF1, notamment, était une faute. En tout cas, la rumeur aime bien Orléans. Car malgré une enquête minutieuse de la police dans le dossier Paul Voise, elle va très vite se répandre dans la ville. L'agression du septuagénaire serait un coup orchestré par des hommes de main du Front National. À quelques jours du scrutin, l'objectif était de remettre sur le devant de la scène le thème de l'insécurité, fonds de commerce du candidat Le Pen, avec l'immigration bien sûr, qui lie volontiers d'ailleurs une pierre de coup. Enfin, il se trouve que les renseignements généraux ont eux aussi exploré cette piste. Ils n'ont trouvé aucun lien entre cette agression et un commanditaire extérieur, Front National ou non. Dans un article publié dans les colonnes du journal Le Monde, le journaliste Régis Guyotta s'interroge, lui, sur le rôle trouble que pourrait avoir joué l'un des élus de la ville d'Orléans dans cette affaire. Le soir de l'agression, en effet, l'adjoint au maire UMP de la ville, en charge de la sécurité, a été aperçu dans une laverie voisine. Il discutait avec un groupe de jeunes du quartier. Et si ce même adjoint avait alerté la presse ? L'intéressé a toujours formellement démenti de quelconque implication. Le dimanche 5 mai 2002, Jacques Chirac est réélu avec plus de 82% des voix, une victoire à la Pyrrhus. Quant à l'affaire Voise, elle disparaît aussi vite qu'elle était apparue en une de l'actualité. Sept mois plus tard, en décembre 2002, la police d'Orléans arrête un premier suspect. L'individu, un jeune homme de la ville, connu des services de police pour avoir commis plusieurs faits de violence et des braquages, sera par la suite mis en examen et remis en liberté quelques mois plus tard, avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu en 2005. Malgré des mois d'enquête, la justice n'a pas retrouvé les coupables de l'agression. Quant à Paul Voise, grâce aux dons et à la générosité de plusieurs milliers de personnes émues par son histoire, il a pu faire reconstruire une petite maisonnette. Vieilli et fatigué, il sera placé en maison de retraite en 2005. Il est mort le 6 janvier 2013 à l'âge de 82 ans. Reste cette question dérangeante dès lors qu'on n'a pas la réponse officielle. Combien vaut-il en avril 2002 le visage de Paul Voise, si souvent exhibé, je veux dire, en bulletin de vote pour Jean-Marie Le Pen ? On a avancé des chiffres, y compris ceux qui mathématiquement éliminaient Lionel Jospin et qualifiaient le candidat du Front National. Saura-t-on jamais ? Y a une sélection. le même journal. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis qui ont peur du noir. Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y'a des taxis qu'on perd du noir. Comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé, mais je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami? Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Paulvoise. Notre invité, Daniel Schneiderman. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du site d'information Arrêt sur Image. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur les médias et les coulisses de l'information. Et votre dernier livre, Berlin 1933, la presse internationale face Hitler, est paru en octobre dernier aux éditions du Seuil. Avec le recul, Daniel Schneiderman, quel regard vous posez sur l'affaire qu'on vient de raconter et de rappeler aux auditeurs? Elle a des accents très présents pour moi. Par exemple, à la fin de votre sujet, j'entendais parler le directeur de l'info de TF1 de l'époque, Robert Lamias, en train de dire « c'est pas nous qui avons inventé l'insécurité, elle existait, et puis si tout le monde nous tombe dessus, c'est en raison de la puissance de TF1 ». Et j'avais l'impression d'entendre exactement, quasiment mot pour mot, les responsables aujourd'hui de BFM, quand on leur demande s'ils en font pas trop sur les gilets jaunes, et notamment sur les violences des gilets jaunes. Mais enfin, c'est pas nous qui inventons les voitures brûlées, les vitrines brisées. Et puis, de toute façon, si tout le monde tombe sur BFM, c'est parce que c'est la chaîne la plus puissante. Autrement dit, même si ça paraît très loin, c'était quand même il y a 17 ans, j'ai l'impression que les mécanismes qui conduisent à l'emballement médiatique, finalement, n'ont pas tellement changé, même si, on va dire, les modalités de ces emballements ont changé. Par exemple, l'affaire Voise, enfin, on va dire, l'emballement insécuritaire de 2002, il dure, vous l'avez très bien rappelé, de juillet 2001 jusqu'à la présidentielle, c'est-à-dire il s'étale sur quasiment un an, et on a un an de folie collective larvée sur les agressions, l'insécurité. Et c'est monomaniaque, on parle que de ça, alors qu'il y a l'emploi, alors qu'il y a l'économie, c'est très important. Effectivement, on parle que de ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec les chaînes d'info, si vous voulez, qui n'existaient pas à l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans des micro-emballements, beaucoup plus courts, qui peuvent durer 3 jours, 2 jours, voire 24 heures parfois, pendant lesquelles tout le monde répète la même chose en boucle, que ce soit les présentateurs de télé, les journalistes de terrain, à qui les présentateurs de télé souvent dictent les papiers qu'ils vont devoir faire sur le terrain, comme ça avait été le cas au moment de Papivoise, les politiques, les intellectuels qu'on invite sur les plateaux, tout le monde est en polyphonie, si vous voulez. Il y a un mot qui revenait beaucoup dans ce livre que j'avais écrit à l'époque, Le cauchemar médiatique, c'était polyphonie. Polyphonie, ouais. On a l'impression d'entendre une polyphonie, c'est-à-dire le fait que tout le monde répète la même chose. Et effectivement, ça crée une impression extrêmement oppressante pour le spectateur, l'auditeur, le public, qui se dit, si le type en studio, le journaliste de terrain, le philosophe invité à la matinale répètent tous la même chose, il doit y avoir un fond de vérité. Or, non. C'est évidemment une atmosphère créée tout à fait artificiellement. Je dis pas volontairement, parce que souvent, vous savez, une réponse facile et un peu complotiste consisterait à dire, bah oui, tout ça a été orchestré, ça arrange bien machin, ça arrange bien bidule. C'est parfois vrai et pas toujours. Par exemple, l'affaire Papivoise, là, vous avez eu tout à fait raison de rappeler que celui qui lance le bal, c'est finalement Chirac dans son... Le meeting. Dans son dans son allocution du 14 juillet précédent, oui. où il lance le thème de l'insécurité. Après, il y a quelque chose qui joue beaucoup aussi, que vous n'avez pas rappelé, c'est le 11 septembre. Si vous voulez, le 11 septembre qui arrive voilà quelques semaines après, et qui a évidemment un retentissement tout à fait mondial, va nourrir une espèce d'impression floue d'effondrement. Oui. Que finalement tout ce qui peut paraître le plus assuré, le voilà, plus permanent, on est tous en danger, quoi, en gros. Le plus permanent, les tours jumelles, qui aurait imaginé un jour pouvoir assister à la chute des tours jumelles? Et le 11 septembre, c'est pas Chirac qui l'a prémédité. Enfin, sauf scoop, si vous avez un scoop ici dans l'affaire sensible. Si j'ai un gros fake news, on y va. Allez-y. Mais voilà. Donc, souvent, c'est des ambiances qui se créent comme ça et auxquelles tout le monde participe. Vous avez rappelé avec beaucoup d'honnêteté que vous-même, à l'époque, aviez diffusé un sondage qui, soi-disant, expliquait que c'était le premier point d'inquiétude des Français. Schneiderman, est-ce que c'était la première fois qu'on avait un tel emballement autour d'un fait divers avec autant de résonance sur un scrutin? Il y a eu d'autres affaires avant des scrutins. Est-ce que celui-là était vraiment emblématique? Il m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas, vous savez, je ne suis pas là depuis les débuts de la radio et de la télévision, mais oui, je pense que là, ça atteignait vraiment une dimension non atteinte précédemment. Alors, encore que ça peut se produire dans des domaines tout à fait différents. Dans le même livre, je crois que je parle aussi, et c'était quelques années plus tard, de l'emballement Love Story. Ouais. Vous vous souvenez, c'était la première émission de télé-réalité. De télé-réalité. Complètement scénarisée, mais dite de télé-réalité. Bien sûr, complètement scénarisée. Mais ce que ça a de commun, c'est l'impression d'effondrement. C'est-à-dire, je me souviens très bien qu'au moment de Love Story, il y a une espèce de panique générale sur le thème « qu'est-ce que c'est que ces programmes ? Qu'est-ce que c'est que ces gens qu'on voit maintenant à la télé ? Ces jeunes incultes qui arrivent et qui rentrent dans le truc et qui disent qui c'est qui a pété ? Mais enfin, où va-t-on ? Jusqu'où le niveau va-t-il baisser ? Etc. » Vous voyez, dans un domaine très différent, ouais. Une impression d'effondrement comparable. Alors, venons-en à la question qui nous taraude, 17 ans après encore. Je sais que vous n'êtes pas un spécialiste de l'analyse politique, mais vous avez peut-être une impression personnelle, en tout cas. Est-ce que le traitement télévisuel de l'affaire Voise a transféré des voix vers Jean-Marie Le Pen, peut-être assez de voix pour qu'il puisse... accéder au second tour. Alors on a jamais eu la réponse. On a entendu des chiffres, 100 000, 200 000 jusqu'à. On peut pas l'avoir. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ça peut avoir changé? Évidemment, c'est pas moi qui vais vous donner une réponse scientifique, mais puisque vous me parlez de sentiment, oui, il me semble que le sentiment, il est que c'est assez évident, si vous voulez, que le candidat dont c'était le fonds de commerce. Principal à bénéficier de cette ambiance-là. Ce qui veut pas dire du tout, encore une fois, qu'il en ait été si peu que ce soit à l'origine. Il en a profité. Il en a profité. On a remarqué aussi, on a mis en exergue le fait que c'était vraiment, on parlait d'emballement médiatique, non, emballement télévisuel. La radio et la presse écrite, vous vous souvenez, ont abordé cet événement de façon très différente. Vous avez le souvenir de ça? Vous avez vous-même passé un bobineau de Fabrice, d'un présentateur de l'époque nommé Fabrice Drouel, si je ne m'abuse. Oui, c'était 13-14, oui. Qui a participé à sa place. Et puis je pense que si on allait fouiller les archives de Radio France, on en trouverait d'autres. C'est une question de poids aussi. Ah, oui, enfin quand bon, même, enfin, parce que non, France Inter déjà à l'époque c'était pas rien quand même. Question de quantité, de ce qu'on diffuse sur la même affaire. Ouais. Quand on peut effectivement diffuser, mais on peut aussi matraquer, ce qui n'a pas été le cas de Radio France pour le coup, et de la radio et de la presse écrite. Vous avez ce souvenir-là que c'est vraiment, si accusation doit être portée, c'est vraiment sur la télé à ce moment-là. Oui, mais on avait donné des chiffres d'ailleurs dans Arrêt sur Image à l'époque que vous avez repris, c'était véritablement un matraquage. Alors, quand on dit un matraquage, c'est effectivement, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, évidemment, l'abondance des sujets. Dès qu'il y avait un poulailler qui brûlait quelque part en Saône-et-Loire, on envoyait trois équipes. Et c'est aussi le fait de ne pas mentionner les détails qui peuvent déranger dans un fait divers. Par exemple, vous avez parlé de ce fait divers qui précède de quelques semaines, je crois, l'affaire Voise, et qui est le meurtre de Monsieur Bègue, oui. À Évreux. Oui. Qui était, nous a-t-on dit, allé défendre son fils victime de racketteurs, innocemment, et avait été tué par les racketteurs. Ce qu'on avait découvert à l'époque, nous, dans Ré sur Image, en envoyant un reporter sur le terrain, c'est que la victime portait une arme. Ouais. Portait une arme blanche, je crois, un couteau à cran d'arrêt. Mm-hmm. Ce qui n'avait été dit par aucun des reporters de terrain à l'époque. Parce qu'on avait besoin de raconter l'histoire d'un innocent père de famille désarmé, ouais. Lynché par des racketteurs. Il fallait qu'il y ait blanc et noir, pas entre deux. Il fallait qu'il y ait blanc et noir. Et nous, on était allés, on avait même retrouvé, je me suis rafraîchi la mémoire à l'instant en révisant, on avait même retrouvé des journalistes locaux qui nous avaient dit, bah oui, pour le couteau, on le savait. Mais on ne l'avait pas dit, parce que ce n'était pas l'histoire que les gens voulaient entendre. Et l'histoire que les gens voulaient entendre, oui, selon eux. Donc, si vous voulez, le matraquage, vous voyez, c'est plein de trucs. C'est ce qu'on dit, et c'est aussi tout ce qu'on passe sous silence. Et moi, si vous me demandez quelle est mon impression, mon souvenir visuel, télévisuel de cette époque, c'est le présentateur du journal de France 2, Daniel Bilalian. Que j'ai cité aussi. Que vous avez cité. Et c'était pas tellement, si vous voulez, les nouvelles qu'il donnait, c'était cette impression physique qui dégageait d'accablement. Oui. Bilalian, c'était le type qui chaque jour recevait sur ses chaussures, comme aurait dit Coluche, tout le poids de l'insécurité française et qui en était chaque jour dépassé, accablé, effondré. Et ça contribuait énormément, si vous voulez, à créer cette ambiance-là. Il y a des résonances avec Roger Jiquel, La France a peur, mais c'est différent. Dont parlait Coluche d'ailleurs. Ouais. Hein, Roger Jiquel, on a l'impression que un avion se casse la figure, ça tombe sur ses pompes. Ouais. Mais ça, c'était différent. Roger Jiquel n'a pas mis des vrais sur le feu. La France a peur trois fois en ouverture du journal de 20h. Vous voyez aussi comme c'est... ça, vous, parce qu'il s'était justifié en disant mais c'était tout un contexte. Au contraire, je disais La France a peur, mais c'est un problème que la France ait peur. Il faut pas qu'elle ait peur. Nos confrères se justifient toujours et trouvent toujours d'excellentes justifications. Mais enfin bon. Alors, comment on lutte contre le suivisme, la concurrence, la compétition? Parce qu'après tout, concernant Monsieur Voise, j'imagine que concernant les télés ou dans la sphère télévisuelle, on se disait, il faut absolument qu'on le montre aussi, il faut qu'on le voit, il faut qu'il fasse pleurer, parce que les concurrents, ils font pleurer avec lui, donc faut y être aussi. C'est comme la base du mal, elle est peut-être là. Si vous voulez, comment on lutte? On lutte d'abord quand on est journaliste de terrain ou qu'on soit grand chef à plume dans les rédactions. On lutte en essayant de faire honnêtement son travail, en essayant de faire que effectivement les exigences de la concurrence ne l'emportent pas sur la relation équilibrée des faits. Quand on est sur le terrain, on lutte en résistant. Vous savez, sur des exemples beaucoup plus anodins, on a fait sur Arrêt sur Image, il y a une quinzaine de jours, une émission avec une journaliste de France 2, qui est l'héroïne d'un documentaire qui vient de sortir sur le journal de France 2, le 20h de France 2. Et on voyait comment cette reporter sur le terrain, si vous voulez, allait chercher exactement ce que sa rédaction en chef lui avait demandé d'aller chercher. Ah, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça se passe pendant la dernière présidentielle, pendant la campagne de Macron. Et un jour, sa hiérarchie lui dit « Oh là là, il y a plein d'électeurs de Hamon qui sont en train de passer chez Macron. Tu m'en trouves et tu me les enregistres. » Et on voit la fille arriver dans un meeting de Macron, mettre ses mains en porte-voix autour de sa bouche et dire « Est-ce qu'il y a ici des électeurs de Hamon qui sont en train de passer chez Macron ?» Et les gens rigolent. Et les gens rigolent, disent « Mais non, pas du tout. » Et elle finit par en trouver deux. Et elle fait le micro-trottoir avec les deux. Et ça donne aux 20h de France 2, les électeurs de Hamon sont en train de passer chez Macron. Donc voilà, comment on lutte? Eh ben, on lutte en faisant des émissions comme Arrêt sur Image, en s'abonnant au site Arrêt sur Image pour aider. Ou en écoutant Affaires Sensibles. Ou en écoutant Affaires Sensibles, bah notamment quand Affaires Sensibles invite le directeur d'Arrêt sur Image. Ben ouais, ben voyons. Notamment. Bon, alors, Daniel Schneiderman, je vais être très honnête, je n'ai pas lu, parce que j'ai pas eu le temps de lire encore, Berlin 1933. Qu'est-ce que vous nous racontez dans Berlin 1933? Faut-il y voir quelques résonances avec la façon dont fonctionnent les médias aujourd'hui? C'est presque le contraire, j'ai envie de dire. C'est intéressant parce que c'est presque le contraire. Papivoise, etc., ça montre un emballement médiatique. Ça montre tout un système médiatique en train de répéter la même chose au même moment. Mon Berlin 1933, qui raconte en gros pourquoi les correspondants occidentaux à Berlin en 33 n'ont pas raconté le nazisme dans toute son horreur et dans toute sa barbarie, quels sont les multiples facteurs qui ont fait qu'ils ne l'ont pas raconté, et pourquoi ensuite, quand la persécution des juifs est devenue une extermination, pourquoi la presse, notamment américaine pour le coup, n'en a quasiment rien dit, ça montre le contraire, c'est-à-dire que un système médiatique peut aussi être totalement aveugle, collectivement, à un phénomène pourtant énorme qui se déroule sous ses yeux. Les correspondants occidentaux à Berlin, je dirais que c'est le contraire. On parlait des consignes des hiérarchies. Là, pour des raisons politiques qui tiennent à l'époque, si vous voulez, leur direction de journaux ne les pousse pas à enquêter d'une manière pugnace sur la barbarie nazie. Au contraire, parce que pour beaucoup des hiérarchies des journaux américains, britanniques, français, le vrai danger, c'est le communisme. Le vrai danger, c'est Staline. Et après tout, cet Hitler, ce type un peu bizarre avec sa moustache, s'il embastille des communistes allemands ou s'il persécute un peu des juifs, c'est pas plus mal. C'est pas plus grave que ça. Et donc, on les pousse pas. Et donc, pendant de longues années, si vous voulez, alors que quand même ils auraient pu recueillir les témoignages sur place, il y avait des victimes, encore une fois, communistes ou juives, ou même des catholiques, par exemple, qui étaient aussi persécutés par les nazis, ils en disent rien. On a des brèves extrêmement froides et factuelles. C'est extrêmement coupable, ça. Dans toute la presse de l'époque. Évidemment, c'est coupable. Évidemment, c'est coupable du point de vue de l'information. Après, moi, mon livre, il n'est pas pour les juger les pauvres 80 ans plus tard, mais il est pour essayer de comprendre comment des journalistes qui sont pas pires que vous et moi, c'est-à-dire qui sont des bons journalistes, notamment alors ceux qui sont en poste à Berlin en 33, ils sont parfaitement germanophiles, germanophones, ils connaissent bien le terrain, etc. Comment collectivement ils peuvent se rendre responsables de cette faillite. Vous voyez, il y a une espèce de symétrie. Et peut-être que la leçon commune, c'est que effectivement ce pluralisme de la presse dont les démocraties sont si fières, à juste titre, oui, bien sûr. À juste titre, il n'est parfois qu'une illusion, tant il peut y avoir des mécaniques fortes qui poussent à l'emballement, qui poussent à l'omerta, et qui poussent, vous avez prononcé le mot, au suivisme aussi, parce qu'il y a une des clés de tout ça. C'est que effectivement, tiens, le concurrent l'a fait, il faut le faire. Je sais pas qui parlait de syndrome du merle sur une branche, un merle s'envole et puis tous les autres merles suivent exactement dans la même direction. Daniel Schneiderman, j'imagine que vous êtes préoccupé, tout comme nous, et d'ailleurs au-delà de la sphère professionnelle des journalistes, de ce qu'on appelle les infox. Fake news, c'est un vrai problème. Là encore, je pense que la question comment lutter contre est plus pertinente pour le coup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résister à ça? Parce qu'il y a un vrai péril. Hein. Oui, je pense que, si vous voulez, on vient de dire à quel point les médias institutionnels, si vous voulez, étaient loin d'être parfaits. Hein. On vient de le dire, on y a consacré l'émission. Bon, la grande nouveauté des 10 ou 15 dernières années, c'est que maintenant, ils sont plus tout seuls à faire l'information. Maintenant, il y a Internet et il y a les réseaux sociaux qui présentent d'autres dangers, qui présentent d'autres risques, c'est évident. C'est une sorte de filtre. Oui, enfin, bon... De manque de filtre, pour le coup. On connaît tout ça par cœur. Bon, comment dire, quand sont apparus dans les médias traditionnels les rubriques décodeurs, désintox, qui se sont beaucoup attachés à essayer de débunker, comme on dit, les infox, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai trouvé que c'était formidable et que ça pouvait marcher. Et quelques années de recul, je me dis la solution n'est pas là. Ou en tout cas, ça n'y suffit pas. Puisque vous pouvez décoder, désintoxiquer, débunker tout ce que vous voulez, je veux dire, ça, les infox continuent. C'est pas éradiqué. Voilà. Les infox continuent à courir. Donc j'ai envie de me dire, la solution, je sais pas quelle elle est. Moi, vous savez, j'ai un automatisme que j'avais déjà à l'époque d'arrêt sur image sur France 5, c'est, je me dis, il faut beaucoup miser sur l'éducation. Je veux dire, c'est ça la recette. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, autant à l'époque, je me disais, voilà, il faut apprendre aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens à regarder le 20h. Aujourd'hui, il faut leur apprendre à se balader sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Et en faire bon usage, effectivement. C'est possible. Prudent. Merci Daniel Schneiderman, merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Paul Voise, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour des informations complémentaires ou pour vos commentaires. Et merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.